pensais mes amis m'ont laissé tomber. Les sanctions sont tombées, tous mes rêves se sont estompés. Je me suis trompé sur les gens, je les ai vus trop beaux. Je me suis trompé sur cette femme, c'est pas qu'elle m'aimait trop peu. Si j'ai tout vide et que j'ai plus rien, c'est que j'ai tout donné. Mon cœur, mon âme éparpillé, c'est plus possible de m'étonner. Ils m'étonnent tous autant sur la raison de leurs actions. Les relations humaines sont comme les autres transactions. Tu crois qu'on t'aime pour toi, tu crois que le bien va l'emporter. Tu crois que tu seras récompensé pour tout le poids que t'as porté. Que dalle, ouais, si on a plus besoin de toi, on jette. Et on te laisse là sans essence et sans pilote dans ton jet. Vodka jet, pour billet, t'es qu'il a pas Sky Coca. Gros dégâts au cerveau infligé par trop de méga. Ouais, gars, toutes sortes de dépendances pour s'auto-duper. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Laisse tomber, illusion estompée. Laisse tomber, passe direct au plan B. Laisse tomber, j'ai les semelles plombées. Laisse tomber, mec, laisse tomber. Laisse tomber, je vais pas mettre à ramper. Laisse tomber, le cœur de l'âme trempé. Laisse tomber, vu que l'amour m'a trompé. Laisse tomber, miss, laisse tomber. Laisse tomber, ma vie ici c'est rien que du bricolage. Du concentré de rage depuis les années collège. Je suis plus tout léger sauf quand je rappe et que j'oublie tout. Au-dessus du vide, je marque un temps d'arrêt comme dans un cartoon. Et puis je tombe, de préférence toujours de très haut. Je suis Donzo, osé dans ma tête depuis le préau. C'est quoi, c'est dingue, d'un coup comme ça je me revois gosse. Avant toutes ces histoires de répute, de coups de pute, toute ma tosse. Cette nostalgie je la déteste, elle me poursuit, j'y peux rien. Je garde mes bons souvenirs pour moi, sérieux à force, dis plus rien. J'ai des centaines d'images en tête, tu m'étonnes, j'y vois pas clair. J'en ai vu de toutes les couleurs, je commence à connaître la musique par cœur. Le cul par terre, les rêves j'enterre. Comme un gosse sans père, un paysan sans terre. J'espère plus grand chose de la vie, j'attends rien ni personne. C'est hyper con, je me sens hyper fort, une fois hyper seul. Laisse tomber, illusion estompée. Laisse tomber, passe direct au plan B. Laisse tomber, j'ai les semelles plombées. Laisse tomber, mec, laisse tomber. Laisse tomber, je vais pas mettre à ramper. Laisse tomber, le cœur de l'âme trempé. Laisse tomber, vu que l'amour m'a trompé. Laisse tomber, miss, laisse tomber. J'ai utilisé mes jokers depuis un bon bout de temps. J'ai tant tiré sur la corde qu'elle est tendue tout le temps. Je voudrais passer l'anneau unique, quitte à ce qu'ils me détruisent. Mais tranquille, deux minutes, c'est un truc que la vie me refuse. Alors je continue ma route, suivi par les cavaliers d'ombre. Et je me tapis dans l'ombre pour pas être submergé sous l'ombre. Dans mon trombinoscope, beaucoup de salopes de faux frères. Je laisse tomber les souvenirs, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je mets des petits ponts à la vie, et elle me taque par derrière. Y'avait personne, juste le vide quand je suis tombé par derrière. Fais ta prière, on est tous foutus, on n'est pas foutus de s'aimer. Tant qu'on se rend vie, je te dis qu'on n'a pas fini de saigner. Je fais partie de ceux qui signeront pas, qu'on entendra très peu, mais c'est pas grave. Tant que je signe tous mes textes avec les tripes, on me mettra dans un trou avec mon nom marqué dessus. Et tout le monde oubliera bien vite qui je suis. Laisse tomber, illusion estompée. Laisse tomber, passe direct au plan B. Laisse tomber, j'ai les semelles plombées. Laisse tomber, mec, laisse tomber. Laisse tomber, je vais pas mettre à ramper. Laisse tomber, le cœur de l'âme trempé. Laisse tomber, vu que l'amour m'a trompé. Laisse tomber, miss, laisse tomber.